Chapitre 4. La première voiture n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas, Tom ? Demanda le dimanche suivant M. Gabriel Parsons, en arpentant patiemment dans tous les sens l'allée sablée qui bordait la pelouse. « Non, monsieur, je ne l'ai pas vu, » répondit le jardinier. « L'heure est passée, » se disait M. Gabriel Parsons. « Eh, mais la voilà, sans aucun doute, » ajouta-t-il en entendant une voiture qui montait rapidement la colline. Il boutonna sa robe de chambre et s'en fut ouvrir la grille. La voiture s'arrêta. Un homme en sortit qui sauta à terre. Il portait une grande et grossière casaque, une cravate d'un blanc sale, un vêtement noir et râpé, des revers de bottes couleur gomme-gutte, et un de ces chapeaux à large bord qu'on rencontrait rarement autrefois et qu'ont généralement adopté depuis les gentlemen et les marchands de fromage. « Monsieur Parsons, » dit l'homme après avoir lu l'adresse d'un billet qu'il tenait à la main et en interrogeant Gabriel du regard. « Mon nom est Parsons, en effet, » répondit le fabricant de sucre. « Je porte ici cette lettre, » reprit l'individu au revers de bottes couleur gomme-gutte, d'une voix sourde et rauque. « Je porte ici cette lettre de la part d'un monsieur venu à notre maison ce matin. »« J'attendais ce monsieur, » dit Parsons, en brisant le cachet qui portait l'empreinte du profil de Sa Majesté, ainsi qu'il est représenté sur les pièces de Dippens. « Je doute pas que le monsieur serait venu ici s'il n'était pas venu à la maison en premier, » reprit l'étranger. « Mais nous ne poussons jamais notre confiance dans ces messieurs plus loin que une balle à vue. »« Vous ne trompez pas sur ce que je veux dire, » ajouta l'inconnu avec une grimace goguenarde. « Bien des pardons, monsieur. J'entends pas vous offenser, seulement, une fois pour toutes, et je vous le souhaite. Attrapez l'idée au passage, monsieur. » Monsieur Gabriel Parsons n'avait jamais rien attrapé du premier coup, que des rhumes. Aussi, après avoir jeté un regard de profond étonnement sur son mystérieux interlocuteur, entreprit-il de déplier le billet qui lui était adressé. Une fois qu'il l'eut ouvert, l'idée se laissa attraper sans résistance. Monsieur Watkins Tuttle avait été arrêté à l'improviste pour une somme de 33 livres 10 shillings 4 pence. Il datait sa lettre d'une maison de réclusion voisine de Chancery Lane. « Voilà une triste affaire, » dit M. Parsons en repliant la lettre. « Bah, ce n'est rien quand on y est habitué, » observa froidement l'homme à la casaque râpée. « Tom, » cria Parsons après quelques minutes de réflexion, « attelez, s'il vous plaît. Dites au monsieur que je serai auprès de lui presque en même temps que vous, » continua-t-il en s'adressant au mercure du shérif. « Très bien, » répondit l'important fonctionnaire, et il ajouta confidentiellement, « J'avais averti l'ami de monsieur de se tranquilliser. À moins que le monsieur ne tienne à se présenter devant la cour, ça ne vaut guère la peine de faire attention à des créanciers, vous savez. Notre gouverneur est très éveillé, il l'est. Je ne dirai jamais rien contre lui, ni contre qui que ce soit, mais il sait l'heure, le gouverneur, il est lassé, extraordinaire. » Après avoir prononcé cette éloquente et, pour monsieur Gabriel Parsons, spécialement inintelligible harangue, dont le sens était souligné par des signes de tête et des clignements d'yeux, l'individu au revers de bottes couleur gomme-gutte se rassit dans le cap qui s'éloigna rapidement. M. Gabriel Parsons, absorbé par ses méditations, continua pendant quelques minutes d'arpenter l'allée sablée. Le résultat de ses réflexions parut le satisfaire complètement, car il courut gaiement à la maison, annonça que les affaires l'appelaient immédiatement en ville. Il en avait donné avis à M. Watkins Tuttle et qu'ils reviendraient ensemble pour le dîner. Il s'équipa à la hâte pour une course en voiture et, montant dans son cabriolet, fut bientôt sur le chemin de l'établissement de M. Salomon Jacobs, situé ainsi que l'en avait informé M. Watkins Tuttle dans Cursitor Street, Chancery Lane. Lorsqu'un homme a hâte d'arriver, qu'il a un but précis à atteindre, les incidents desquels dépendent l'accomplissement de son voyage, les obstacles qui lui barrent le chemin, semblent non seulement innombrables, mais créés spécialement pour la circonstance. Cette remarque n'est assurément pas neuve, et M. Gabriel Parsons, pendant le trajet, en fit l'expérience pratique et douloureuse. Trois variétés d'êtres animés entravent et retardent la circulation des voitures dans les quartiers peu fréquentés. Ce sont les pourceaux, les enfants et les vieilles femmes. Le jour en question, les porcs faisaient sur la chaussée des orgies de caoutchouc, et les petits-enfants jouaient, et les volants allaient venir régulièrement d'une petite raquette à l'autre, et des femmes, leur panier d'une main, la clé de leur porte de l'autre, s'obstinaient à traverser les rues précisément sous le naseau des chevaux. M. Gabriel Parsons devint absolument féroce, à force de subir des vexations de toutes sortes, et tout à fait enroué à force de crier gare et de proférer des imprécations. Arrivé dans Fleet Street, il trouva le chemin intercepté par un de ces embarras de voitures pendant lesquels ceux qui sont dans des véhicules ont la satisfaction de rester stationnaires une demi-heure et portent vie aux piétons les plus indolents. Où l'on voit les policemen se précipiter à la tête des chevaux, les saisir par la bride et les faire reculer dans la devanture des boutiques sous prétexte de déblayer la voie et d'empêcher le désordre. M. Gabriel Parsons finit cependant par entrer dans Chancery Lane. Là, il demanda son chemin, car ce côté de la ville lui était absolument inconnu. Ayant été dirigé sur Corsitor Street, il se trouva presque aussitôt devant la maison de M. Salomon Jacobs. Après avoir confié son cheval et son cabriolet à l'un des 14 gamins, qui depuis le pont de Blackfriars l'avaient suivi, soutenu par l'espoir qu'il requerrait leur service, M. Gabriel Parsons traversa la route et vint frapper à une porte intérieure dont le haut était vitré et garni, comme toutes les fenêtres de cet attrayant séjour, de barreaux de fer peints en blanc pour que leur aspect parût plus réjouissant. Un garçon au visage livide, aux cheveux roux, à la mine rechignée, entendit cet appel. Après avoir examiné le visiteur au travers de la vitre, il introduisit une grande clé dans une immense serrure. À voir l'innombrable quantité de clous de fer dont les panneaux étaient garnis, on eût pu croire la porte sujette aux verrues. « Je désire parler à M. Watkins Tuttle, » dit M. Gabriel Parsons. « C'est le gentleman que nous avons reçu ce matin, Jem, » cria du haut de l'escalier de service une matrone crasseuse. « Le gentleman est au café. »« En haut, monsieur, » dit le garçon, qui entr'ouvrit la porte juste assez pour livrer passage à Parsons sans l'écraser, et qui la referma précipitamment à double tour dès que le visiteur eut franchi la fissure. Ainsi renseigné, M. Gabriel Parsons se hasarda dans l'escalier sombre et frappa plusieurs fois inutilement à la susdite porte de gauche. À l'intérieur, le bruit des bois, à l'extérieur, le sifflotement moqueur d'une friture que l'on confectionnait je ne sais où et qui le poursuivait depuis le rez-de-chaussée empêchèrent qu'on ne l'entendît. Il tourna le bouton et entra. L'objet infortuné de sa visite venait précisément de monter. Il eut donc le loisir de s'asseoir et d'observer la scène qui se passait devant lui. La salle, un repère, était entourée de compartiments comme l'on en voit dans quelques restaurants de bas étage. Le plancher crotté était évidemment depuis aussi longtemps étranger au balai qu'au tapis. La lampe fumeuse avait partout noirci le plafond. La cendre grise sur le bord des tables et les bouts de cigares éparpillés sur la grille du fond expliquait amplement l'odeur intolérable de tabac dont la pièce était imprégnée. Les verres vides, les tranches de citron à demi pressées, les pots de porteurs alignés, tout rendait témoignage des fréquentes libations auxquelles se livraient les individus qui honoraient temporairement de leur présence l'établissement bon enfant de M. Salomon Jacobs. Au-dessus du manteau de la cheminée, une méchante glace était posée qui n'occupait qu'à moitié la place qui lui avait été réservée. En revanche, les cendres étaient entassées dans une grille deux fois aussi large que le foyer. L'attention de M. Gabriel Parsons se porta naturellement de cette chambre déjà si gaie par elle-même sur ce qui l'occupait. Dans un des compartiments, deux individus jouaient au cribbage. Leurs cartes, sales et dépareillées, au tarot bleu, vert ou rouge, avaient été triées dans des jeux hors de service. Dans un autre box, un gros et vigoureux personnage de 40 ans environ faisait honneur au dîner que sa femme, une leuronne d'égale prestance, lui avait apporté dans un panier. Un jeune gars d'allure vulgaire, vêtu avec la plus extrême recherche, se promenait de long à large, les mains dans les poches, le cigare aux lèvres, lançant à chaque instant d'épaisses bouffées de fumée. « 4 pence de plus, mille diables !» s'écria, lorsque la partie fut terminée, un des joueurs de cribbage en allumant sa pipe. Personne ne se serait douté que vous aviez enfermé la fortune dans une poivrière et que vous en secouiez la poudre au vent comme bon vous semblait. « Eh bien, ce n'est déjà pas si bête, » reprit son adversaire qui était marchand de chevaux à Islington. « En effet, que Dieu me bénisse si ça l'est, » ajouta le joyeux compère qui, son dîner fini, buvait en témoignage d'harmonie conjugale un grog chaud dans le verre de sa fidèle compagne d'infortune. « Vous êtes un amateur de rhum, » Monsieur Walker, voulez-vous plonger le bec dans ceci ? Merci, monsieur, reprit M. Walker en sortant de son compartiment pour accepter le verre qu'on lui tendait. À votre santé, monsieur, à celle de votre excellente femme. Messieurs, à la vôtre, et meilleure chance dorénavant. Eh bien, monsieur Willis, continua le facétieux prisonnier, s'adressant au fumeur, vous paraissez un peu abattu aujourd'hui, je dirais même terrassé. Que vous est-il arrivé, monsieur? Ne jetez jamais le manche après la cognée, vous savez. Oh, rien, tout va bien, je serai élargi demain. Le serez-vous, en vérité? Demanda l'autre. Je voudrais bien pouvoir en dire autant. Le jeune homme s'arrêta court et élevant la voix. Regardez-moi, dit-il. Pourquoi, suivant vous, ai-je passé ici ces deux jours? Parce que vous n'avez pas pu en sortir, je suppose, répondit M. Walker, adressant une œillade à la compagnie. Non pas que vous soyez absolument obligé de rester ici. Seulement, vous ne pouvez pas faire autrement, hein? N'est-il pas charmant? Demanda ce joyeux personnage qui avait fait les honneurs du grog de son épouse. Il l'est tout à fait, répliqua la dame que ses saillies émerveillaient. Mon cas, reprit la victime en jetant le reste de son cigare dans le feu, mon cas est bizarre entre tous. Mon père est un grand propriétaire et je suis son fils. Voilà une bien étrange circonstance, en effet, interrompit le jovial M. Walker en passant. Je suis son fils, et j'ai reçu une éducation libérale. Je ne dois absolument rien à personne, pas la valeur d'un liard. Mais je fus entraîné à répondre pour un ami. J'endossais des billets pour une forte somme. Je puis dire pour une très forte somme. Je n'ai reçu aucun dédommagement en échange. Devinez quelle fut la conséquence de tout ceci. Mais je suppose qu'à l'échéance, les billets ont été mis dehors, et qu'en revanche, vous avez été mis dedans. Les garanties n'ayant pas été prises, c'est vous qui avez été pris, hein? Demanda M. Walker. Assurément, répondit le jeune homme à l'éducation libérale. Assurément. Et c'est ainsi que je suis ici pour une affaire de 2000 livres. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre vieux bonhomme de père de se démener un peu? Demanda Walker d'un air tant soit peu sceptique. Oh, que Dieu le bénisse! Il n'a jamais rien fait pour moi, reprit l'autre d'un ton de reproche. Jamais. C'est très ennuyeux, en effet, ajouta le propriétaire de la bouteille de gin en se préparant un nouveau grog. J'étais bien des fois à la côte, comme on dit, depuis 30 ans. J'ai débuté par une banqueroute au temps où je tenais une crèmerie. Il en a été de même quand j'étais fruitier puis déménageur. Après cela, encore dans les charbons, puis finalement dans l'agriculture. Eh bien, pendant tout ce temps, je n'ai pas vu un seul garçon entrer dans un endroit comme celui-ci qui n'en dût sortir immédiatement, qui n'eût été arrêté pour des billets de complaisance et qui n'eût jamais rien reçu en échange, fût-ce un acompte. C'est un cri général, reprit Walker. Un cri dont je ne puis pas comprendre l'utilité. Ça me met hors de moi. J'aurais une opinion 100 fois meilleure d'un individu qui raconterait sans façon, honnêtement, en vrai gentleman, tous les tours qu'il lui était possible de jouer. Le jeune homme qui avait provoqué ces observations allait répondre aigrement aux plaisanteries auxquelles il était en butte lorsque la porte s'ouvrit.